Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il vaudrait mieux que tu reprennes les choses au début. Je suis sûre que tu comprendrais mieux. Tu imagines le travail ? Si tu veux réussir, tu ferais bien de m'écouter.